C'est que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Mon très cher Peter, et je lui tape bien fort dans le dos, là. Alors, je viens de me rendre compte que j'étais très mauvais et que je n'avais pas mis les micros sur le live. On a absolument rien entendu. On avait un visuel, mais on n'avait pas de micro. Et comme en ce moment, il n'y a pas grand monde, c'est-à-dire personne, hein, ou du moins s'il y en a, ils ne se sont pas manifestés, eh bien, nous allons parler dans le vide, malheureusement. Voilà, donc... Je la refais histoire de faire propre parce que sinon ça on fera pas tout ce que vous avez dit mais voilà donc juste on vous êtes donc au petit déj là vous voyez un Peter qui est blême qui ne parle pas beaucoup la tête entre ses mains un Emilio qui est donc lui pas bavard il mange son petit déj mais assez pensif. Et puis vous deux, Albert et Catherine, qui, eh bien, du coup, avaient passé une bonne nuit, vous mangez tranquillement votre petit déjeuner. Alors, juste pour un peu résumer ce que les gens n'ont pas entendu, Albert s'inquiétait de ses camarades, hein, qui, bon, comme ils font la plupart du temps, ce n'est rien, ce n'est pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, un café et on sera sur pied. Quoi qu'il en soit, vous savez que il va vous falloir une partie de la journée à passer avant de pouvoir retourner voir le traducteur qui doit vous remettre la traduction en fin de journée. Du coup, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire pendant la journée ou pas du tout? Pas du tout, mais bon, il faudrait quand même trouver quelque chose pour s'occuper. Et c'est vrai, vous êtes à Trieste... Vous avez, toujours ce Monsieur Winkelmann en tête. Il est vrai que la traduction de son bouquin pourrait déjà être pas mal utile. Après, Après, vous pouvez toujours essayer de vous renseigner sur où serait allé ce fameux Winkelmann pendant son séjour à Trieste. Il me semble que on vous a donné du coup l'endroit où il avait séjourné, il me semble, dans un hôtel. De souvenirs comme ça. Plus si je me rappelle de cette info, moi. Tu te rappelles de cette info? Moi, elle n'est pas dans mes notes, mais. Locanda Grande. J'ai ça perdu dans mes notes. Locanda Grande. Exactement. C'est exactement là. C'est l'endroit où a été assassiné Winkelmann dans cet hôtel, l'hôtel Locanda Grande, effectivement. Locanda, ouais. Ok. Et ben voilà qui pourra nous occuper. On pourrait aller là-bas, essayer de trouver quelqu'un qui se rappelle de cette histoire et qui pourrait peut-être nous révéler quelques détails intéressants. Puis on a aussi derrière la tête peut-être de retrouver ce 8e médaillon. En effet, c'est vrai que un des médaillons est manquant. Peut-être. Il est sur les lieux de l'assassinat. Pourquoi pas? Alors, vous essayez donc de trouver ce local grande, cet hôtel. Bah oui, il y a pas raison. Mais oui. Oh, ça va vous faire du bien, faut sortir un peu là, faut prendre de l'air. Oui, effectivement, vous voyez quand même que Peter, il a pas l'air engloué, tu vois, il serait bien resté là toute la journée à décuver, à essayer de soigner son mal de tête. D'ailleurs, je prends le temps, là. Prenez le temps de manger. Prenez le d'ailleurs, temps de manger avant d'y aller, on a toute la journée. Tu vois d'ailleurs, Peter, un des serveurs qui t'amène un verre d'eau avec une aspirine. Ah, y'a. Yeah. Je vais en prendre. Voilà. Partons pour aller au Locanda Grande, du coup. Ok, alors est-ce que vous savez où il est, ce Locanda Grande? J'imagine que c'est un grand hôtel. Eh bien. On va intercepter le serveur. De toute façon, on peut demander. Ouais. On peut demander directement le serveur qui apporte. Cette aspirine, excusez-moi, le Locanda Grande, est-ce que vous pourriez nous le situer, s'il vous plaît? Le Locanda Grande, c'est quoi? Un hôtel, il me semble. Tu sais, ça ne me dit absolument rien. Bougez pas, je vais me renseigner, je reviens tout de suite après. Vous voyez qu'il s'en va, une dizaine de minutes plus tard, il revient avec un des chefs de service qui est plutôt âgé, hein, vous voyez, un homme d'un âge très avancé. Et qui vient vers vous, bonjour, le Locanda Grande, mais comment connaissez-vous cet établissement? Eh bien, nous retraçons l'histoire de John Winkelmann, qui a été assassiné dans cet hôtel. Alors, c'est vrai que ça date, peut-être que cet hôtel a changé de nom depuis, peut-être que c'est plus un hôtel. Bah, effectivement, le Locanda Grande, se trouvait autrefois sur la Piazza Unità d'Italia. Mais il a été démoli en 1847. Mais avant ça, il avait été rebaptisé de je crois, l'Osteria Grande. Et encore avant, il me semble que ça s'appelait l'Hospitium Magnum. Ok. Mais depuis, ils ont reconstruit un hôtel par-dessus qui s'appelle l'Hôtel Garni, qui a été reconstruit sur le même endroit en 1873. Mais maintenant, il s'appelle l'Hôtel Vanoli. Voilà. Donc si vous allez là-bas, vous trouverez l'hôtel Vanoli, mais c'est un nouvel hôtel qui a été construit par-dessus le Locanda Grande. Parce que le Locanda okay. Grande n'existe plus. D'accord. Eh bien, voilà, beaucoup de péripéties. Voilà, vous savez, avec les différents... succession de gouvernance, on va dire que bien, les choses ont un peu changé. Hein. C'est pas simple, mais oui. Là, enfin, en tout cas, si vous voulez, allez à chercher l'hôtel Vanoli et vous trouverez le Locanda Grande. Voilà. L'histoire vous avez besoin de John Winkelmann vous dit quelque chose? Oui, enfin, il est connu dans la ville, mais après, connaître son histoire parfaitement, vous m'en voyez désolé, je ne maîtrise pas la vie de ce Winkelmann assez pour vous en dire plus que ce que les gens connaissent, quoi. Il a été assassiné, je crois. De ça très longtemps. Très bien de trouver quelqu'un qui connaisse et maîtrise son histoire. Bien, je vous invite à aller peut-être au musée ou à la bibliothèque. Vous trouverez peut-être des indications sur lui. Ce serait peut-être plus intéressant de retourner au musée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me tourne vers mes amis. Je me dis peut-être la bibliothèque aura des écrits sur ce hôtel. Peut-être que le bâtiment au-dessus a pu récupérer quelques trucs aussi. La cave a peut-être survécu, c'est vrai. Mais je sais pas. Ouais, c'est des chemins différents. Et je vois pas ce qu'on pourrait trouver en plus au musée à ce sujet. Je pensais peut-être tomber sur un expert un John Winkelmann pourrait nous dire par exemple en quoi consistait cette collection de médaillons, pourquoi il a été assassiné. Ah bien, mais allons-y. Si... Ouais, je pense qu'on aura plus d'infos qu'à l'hôtel, mais après. Si on peut non, c'est à pas l'hôtel. Moi, je pensais. Bon, c'était pas grand chose là-bas. C'était pas l'hôtel auquel je pensais. Ouais, c'était sûr. C'est la bibliothèque. Je pensais que c'était. Bon, c'est un point de passage que maintenant on fait quasiment systématiquement à chaque arrêt. Mais afin de s'informer le sérieusement possible sur cet hôtel, ça serait peut-être le mieux. Mais essayons le musée. Peut-être qu'on pourrait avoir une. Et ensuite, on se rabattra sur la bibliothèque si jamais on a des recherches à faire supplémentaires. Autant maximiser les chances de trouver quelque chose d'intéressant et peut-être que ça mènera aussi sur une autre piste, le musée. Commençons par le plus proche, si on est le plus proche. Voilà, vous savez que vous n'êtes musée pas. Du ou de la bibliothèque ? T'es loin ou de la piazza ? Donc du coup de l'hôtel, vous pouvez vous y rendre assez rapidement finalement. Tu dis qu'on est au plus proche de l'hôtel. De la piazza, de l'hôtel. Ouais, l'hôtel. De l'hôtel Vanoli. Et a priori, ben, on y va alors. Je croyais qu'on allait au musée. Alors, vous allez au musée ou vous allez d'abord... Ah, l'hôtel est plus proche pour l'instant. Sur le musée ou la bibliothèque. Mais si l'hôtel est plus proche... musée dans ce cas. Hein. Peut-être passons par l'hôtel. Si c'est sur le chemin. Ah non, pardon, j'avais pas... Ok, d'accord, j'avais pas... Okay. Mais sinon, la bibliothèque est le plus proche. Entre les deux, le musée et la bibliothèque, c'est la bibliothèque qui est plus proche. Autant, voilà. Autant pour moi, si j'avais pas très bien compris. Eh bien, dès que vous êtes prêts, allons à la bibliothèque. Je pense que vous êtes prêts. Au musée. Au musée. La bibliothèque, on l'a dit, c'était si jamais on n'a plus rien, si on jamais on n'a plus de piste. Si on n'a plus rien. Désaccord. On va au musée. Bon ben, bah, vous voyez on donc Emilio musée. Dit, on va au musée, ok? On va au musée. Et je parle avec les mains. Voilà. En bon italien que tu es, tu fais comprendre qu'il faut aller au musée. Vous allez donc au musée. Vous vous rendez donc au musée. Le trajet est plus ou moins long, mais ça va, ça reste raisonnable. D'ailleurs, je vais vous demander, pour la première fois depuis le début de la soirée... Non, tiens, je vais le faire. Je vais le faire pour vous, tiens. Oh. Juste pour le plaisir de faire c'est un gérard. Le plaisir de lancer des dés. Après. Là, je le fais d'abord. On a dit que les jets de... De silence, au lieu que ça soit l'équilibre. Ouais, bah c'est... Je comprends l'idée, mais c'est pas drôle. Ouais, allez, quoi. T'étais d'accord, toi aussi. Hein. C'est vrai, d'abord. J'aurais fait 55. Là, tu as fait 99. Voilà. Tu sais pas quel jet je fais, d'abord. Non. Pour savoir si on a tout dilapidé de la fortune du professeur Suisse. C'est ça, on n'avait plus de... Alors... Alors, premier jet... Ok. Vous êtes en train de marcher tranquillement dans les rues de Trieste. Vous savez que vous en avez... À peu près fait la moitié du chemin. Et dans votre discussion, le bruit d'un chariot, d'un attelage, vous fait tous vous retourner. Hein, vous remarquez dans un coin de la rue, en fait, dans l'angle de la rue que vous venez de passer, une tête. Qui dépasse et qui regarde dans votre direction. Après ça, la personne qui est plutôt grande, plutôt assez costaud, c'est un homme, traverse la rue et va en face, en fait. Vous, en gros, vous éloignez le long de la rue là, d'un bâtiment et vous voyez qu'elle traverse la route et qu'elle va en face. Voilà. Vous continuez donc votre chemin tranquillement. Vous finissez donc par arriver au musée, pas à la bibliothèque. Musée. Sinon, je vais me faire engueuler par Emilio. Et quand vous rentrez dans celui-ci, vous voyez qu'il n'y a pas trop de monde. Ça a l'air plutôt calme. Je vais baisser un peu la musique, sinon on va entendre que ça. Parce qu'il n'y a personne qui me dit si la musique est trop forte sur le live. Je ne sais pas. Hop. Vous commencez un petit peu à regarder des choses qui pourraient être plus ou moins importantes. D'ailleurs, Al, tu retournes rapidement à l'endroit où étaient exposés les médaillons. Et il en manque toujours qu'un. Mais il est parvenu entre temps. Ah oui. Il y a toujours la fresque aussi avec les âmes serpents ou je sais plus quoi là. Dans le musée, ah oui, c'est le truc en hauteur, oui, oui, ça y est ouais. Toujours. Ouais. Parce ouais, que moi je l'avais analysé, tu vois. Donc, je me souviens. Ouais, elle y est toujours, effectivement. Par contre, vous avez remarqué que. Alors, une personne que vous, qui n'était pas présente la première fois. Et vous surprend un petit peu. Vous voyez un homme silencieux, assis devant un livre, les bras croisés sous sa veste. A priori, après, il est en train de lire un livre, et après avoir lu deux pages, enfin, avoir regardé le livre un certain temps, vous voyez qu'il relève la tête et qu'il attend. Au bout d'un certain temps... un membre du personnel arrive à son côté et vient tourner la page pour lui. Et ensuite, il se remet à lire et ainsi de suite. Ça, vous voyez, c'est un petit manège. Voilà, il lit et à chaque fois, quand il a terminé, quelqu'un vient tourner la page pour lui. Il n'a pas de bras ? Vous voyez qu'il, a priori, il a les bras croisés sous sa veste. Et la personne, comment elle vient ? Elle voit que l'homme qui lit a terminé, ou bien lui fait un signe pour venir ou, bah, en gros, tu vois qu'il relève la tête, et il regarde un peu en face de lui. En fait, il cherche même pas à appeler qui que ce soit. Hein. Il regarde en face de lui. Et au bout d'un moment, vous voyez la personne qui presse un peu le pas et qui hop, tourne la page et s'en va. D'accord. Et on voit quel livre c'est ou pas ? Pardon ? On arrive à lire le nom du livre ? Ah bah, si tu te rapproches de lui. Après, je pense que vous n'êtes pas forcément collé à son visage. Vous n'êtes pas... Non. Non. Donc, après, si tu te rapproches, tu peux... Tu peux toujours essayer de lire quelque chose, mais... Je ne sais pas, est-ce que vous continuez... Enfin, est-ce que quelqu'un s'occupe de lui ou vous allez... vaquer à vos occupations, puisque vous êtes quand même là pour essayer de trouver des informations. Certes, la scène est surprenante. Je sais pas, mais... Moi, je trouve ça louche quand même, et je ne saurais pas comment s'occuper de lui, quoi. Ouais. J'ai envie d'arrêter la personne qui lui tourne les pages pour le questionner rapidement s'il y aurait quelqu'un travaillant au musée qui pourrait nous renseigner sur l'histoire de Johann Winckelmann. Effectivement, tu stoppes la personne. Alors, tu la stoppes une fois qu'elle a tourné la page ou avant ? Oh, plutôt après. Je vais quand même le laisser tourner sa page. Ok, le coup... Je vais faire attendre le petit monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Oui, bonjour. Nous sommes à la recherche d'informations concernant l'histoire de Johann Winckelmann. Est-ce que quelqu'un ici, travaillant ici, pourrait nous narrer son histoire ? Écoutez, est-ce que vous êtes allé voir l'endroit où on parle de lui dans le musée? Vous avez un petit endroit où vous pouvez voir les médaillons qu'il avait avec lui et une petite note descriptive sur sa vie. C'est à peu près dans le fond là-bas. Vous étiez pas loin, je crois que vous étiez pas loin de... Oui. Tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on avait vu les médaillons. Je sais pas si on avait lu le petit. Le petit cadre, mais bon, on espérait pouvoir communiquer avec quelqu'un qui nous donnerait beaucoup plus de détails. Écoutez, Enfin, moi personnellement, je ne saurais pas trop vous aider sur lui. Je sais que la famille Termona a acquis il y a pas, enfin il y a quelque temps un de ses ouvrages, enfin les ouvrages qu'il détenait. Peut-être pourriez-vous aller vous renseigner chez eux. Mais là, j'avoue que comme ça, je sais pas trop vers qui vous renseigner. Vous êtes allé voir la famille Termona déjà ? Oui, on est allé leur rendre visite déjà. Oui, bon, merci en tout cas pour ça. Je vais retourner voir du côté des médaillons pour voir si j'ai bien déjà assimiler peut-être les quelques informations qui sont là-bas. Mais juste avant, et là je baisse un peu le son de ma voix pour pas que le petit monsieur m'entende, et je lui dis excusez-moi de ma curiosité, mais c'est un drôle de manège que vous faites là avec ce monsieur. De quoi s'agit-il ? Ah. Eh bien, c'est monsieur Helmut Grossinger. C'est un monsieur qui ne peut plus parler. Et malheureusement, il ne peut pas tourner les pages. Donc, nous devons l'aider à poursuivre sa lecture. Et il vient ici parce qu'il recherche, on va dire, de la tranquillité sur... Voilà. Que dit-il ? Oh, des livres, disons, sur les choses du passé. Après, j'avoue que je ne m'y intéresse pas vraiment. Il nous fait savoir le livre et après on lui donne et c'est tout quoi. Enfin, on est habitué. Il vient tous les jours donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Bon, ben pour ma part, je retourne vers les médaillons et je regarde un petit peu mieux. Je crois avoir loupé cet encart sur la vie de... Oh, en fait, tu vois que c'est un document que vous aviez eu, en fait, qui vous dénumérait en gros la vie de Johann Winckelmann, soit les nénés, telle date, toute sa vie, jusqu'à son décès, en gros. Après, est-ce que tu t'en souviens ou pas ? Je sais pas. Est-ce que vous avez besoin que je vous le relise ou c'est pas nécessaire ? Non, mais je pense que c'est pas nécessaire si on... On doit l'avoir affiché. Non, je pensais qu'on l'avait raté, en fait, ça. Non, en gros, c'était ça. On a perdu quelqu'un, je crois. Catherine, elle va arriver. Bon, clairement, je vais pas vous faire tripatouiller pendant longtemps. Je pense que au musée, mis à part cette scène un peu rocambolesque avec cet homme qui est en train à qui on lui tourne les pages, hein, vous trouverez pas forcément grand chose. D'ailleurs, la journée va être assez infructueuse et vous êtes un peu perdu parce que la seule vraie piste que vous avez pour l'instant, c'est cette fameuse traduction que vous attendez. Et à la limite, peut-être cet hôtel, mais bon, vu qu'il n'existe plus, ça n'a peut-être pas forcément de grande importance. Bon, alors, attends, est-ce qu'elle est complètement partie ou il y a juste la caméra? Oui. Bon, bah, je vais attendre un petit peu. Je me sens mieux. Tu te sens mieux, oui. Oui. Moi, ce que je vais faire, quand même, c'est demander au personnel, au conservateur qui serait à côté, là, ou assistant du conservateur, qui est l'expert en ces médaillons, tout simplement. Bah, finalement, il n'y a pas vraiment un expert en médaillons de spécialiste sur les médaillons de Winckelmann. Il n'y en a pas forcément. Après, ils peuvent te dire que c'est des médaillons qui sont assez vieux. Hein, ils ne seraient pas forcément datés chacun d'eux. Après, il relate du coup les scènes, donc la scène du saccage de Troie, et on a récupéré. Tu es de retour. et donc du coup, il y avait aussi des figures qui sont gravées dessus. Mais après, ils seraient pas trop t'en dire beaucoup plus. C'est vraiment là, ils sont là vraiment pour dire que c'est des traces du passage de Winckelmann sur Trieste. Mais ils sont pas super calés en plus en médaillon. Après, oui, ça a l'air quand même d'être des médaillons qui sont très anciens. Ouais. D'accord. Et les figures qui sont sur les médaillons, est-ce que on arrive à avoir une thématique, quelque chose, ou bien même un lien entre ces derniers visages? A priori, pas est-ce forcément. Que, par exemple, est-ce que par exemple l'un représente une émotion, l'autre une autre, etc., etc., ou bien un âge différent, ou des ou un statut social différent, ce genre de choses? Non, alors après, la seule chose que tu peux te dire, c'est que, par exemple, tu vas voir une scène le sac de Troie, et sur un des médaillons, tu pourrais avoir un des personnages emblématiques de cette période de Troie, hein, de la guerre. Tu aurais une autre scène historique qui représente c'est des scènes, tu saurais pas forcément dire d'où elles viennent, mis à part celle de Troie, parce que tu remarques qu'il y a ce fameux cheval qui est présent en arrière-plan, mais pour les autres, tu sais que c'est un peu antique, mais quoi. Mais à part que tu vois des hommes et des femmes sur cette pièce, mais sans plus. Donc, t'as pas l'impression que les trucs soient vraiment importants. Voilà. C'est la seule chose que je peux te dire, vraiment. Est-ce qu'on pourrait voir le revers des médaillons? Est-ce que c'est utile? Tu ne peux pas. Puisque elles sont rangées dans une boîte fermée. Et a priori, si jamais tu demandes à l'ouvrir, on te dira non. Ok. Quoi qu'il en soit, vous êtes un peu dans l'impasse. La journée se passe. On va dire que vous êtes vraiment à attendre que vous ayez cette traduction qui va vraiment débloquer un peu la situation, selon vous. Hein. Enfin, du moins, vous espérez. Du coup, vous passez un peu votre journée à errer un peu en ville, vous balader. Peut-être sous les conseils d'Albert qui... pour une raison ou pour une autre, envie de passer devant cet hôtel Vanoli, parce qu'il l'avait mentionné plusieurs fois, vous finissez par avoir en face de vous l'hôtel Vanoli. Vous approchez de celui-ci. Et attendez, il faut que je me mette en face. Fameux. Ce que je le fais. Et c'est ça, le cadran grande. Et vous allez me faire, cette fois-ci, je vous laisse faire un petit test de toc. C'est à vous de le faire. Je vous laisse faire cette fois-ci. 93, c'est un échec. Pente 2. Je vérifie, mais... Sur 63. 95. Alors, Peter, clairement, t'es pas dans ton assiette aujourd'hui. C'est vrai, je parle pas beaucoup. En fait, on me traîne de lieu en lieu. Je suis un meuble. C'est ça. De ton côté, Catherine, tu as fait 93, c'est ça ? Tout à fait. Toi, c'est la Bora qui t'incommode. Même si il est vrai que vous avez acheté de quoi avoir chaud, et bien malheureusement, la Bora qui souffle quand même plus ou moins fort, hein, te laboure le visage, vous savez, de ces vents glacés qui vous giflent presque un petit peu et vous cachez pour essayer de ne pas avoir trop froid aux oreilles. Et dans le cou. Du coup, tu ne prêtes pas trop attention à tout ça. De ton côté, Emilio, et donc toi, Albert, tu as réussi aussi ? Oui. Il y a quelque chose qui vous trouble. Alors que vous regardez cet hôtel, vous levez un peu la tête au niveau de l'étage supérieur et vous remarquez à une des fenêtres de l'étage d'une chambre un visage blafard qui vous observe. Alors, on est beaucoup observé aujourd'hui. Hein. C'est ça. On reconnaît ce visage ou pas ? Pas du tout. Vous n'arrivez pas forcément à mettre un... Vous êtes un peu loin, enfin... Il est quand même assez grand cet établissement et vous n'êtes pas forcément super proche hein, du truc. Hein. Vous êtes, regardez ça un peu de loin. Donc vous n'arrivez pas forcément à mettre... Enfin, à faire le focus sur la tête de la personne, vous voyez juste au loin, voilà, une silhouette, et donc ce visage, enfin, ce haut de tête, en gros, c'est très, très blafard, très, très éteint, qui vous fixe au loin, comme ça. C'est assez bizarre, en fait. Ouais. Je vais soutenir un peu le regard un petit moment pour voir ce qui se passe. Il bouge pas. Il bouge pas. Il veut continuer à vous regarder. Je vais tenter un coucou. Ça bouge pas non plus. Moquerie. Ouais, moi, bah, je vais faire un truc, je vais faire quelque chose parce que là, c'est bizarre, vraiment bizarre. Je vais aller frapper à sa porte, en fait, tout simplement. Alors là, vous voyez ça de l'extérieur de l'hôtel à la fenêtre d'un étage. Hein. Donc, pour aller frapper à sa porte, déjà, il faut rentrer à l'intérieur de l'hôtel. D'accord, et c'est l'hôtel qui a été construit sur Vanoli, qui a été construit par-dessus l'hôtel Loca Grande, qui a été, lui, détruit. Mmh. Où est mort, du coup, ce fameux Winkelmann. Ça nous montre qu'il y a bien quelque chose qui se passe là-bas, il faut y aller. Oui, de toute façon, on rentre à l'intérieur, alors. Écoutez, vous finissez par rentrer donc à l'intérieur et la personne à l'entrée vous dit bon, bonjour, vous désirez une chambre ou plusieurs chambres nous en avons, il n'y a pas de problème. Bonjour, merci. Pas du tout. Non, nous venons voir quelqu'un. Vous venez vous voir qui? Un homme. C'est quel étage où il est? C'est à l'étage, au premier étage. Normalement, il a une chambre au premier étage. Vous savez, il a un teint un peu blafard, blême. Il avait quoi comme cheveux? Il avait des cheveux, il avait pas de cheveux. Je le décris. J'ai mangé son nom. Ah, je ne retrouve plus. Est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? C'était quelle chambre, monsieur? Ah. Je lui ai dit, sur la devanture, vous voyez, c'est la troisième fenêtre en partant de la gauche, si vous voulez. Ah, alors, attendez, alors, tu la vois qui commence à chercher dans ses registres. Écoutez, je suis un peu embêté parce que alors, vous m'avez bien dit, la troisième chambre en partant de l'axe, comme ça, c'est ça? Enfin, oui, quand non, on regarde, je lui donne la bonne chambre, mais voilà. Ouais. Écoutez, je suis un peu gêné parce que elle est inoccupée et puis de ça un petit bout de temps d'ailleurs. Il y a personne dans cette chambre. Alors il y a quelqu'un qui l'occupe clandestinement. Bien, vous auriez des affaires d'esprit. Écoutez, des esprits habitent ici. Écoutez, suivez-moi, nous allons voir ensemble, mais il me semble qu'il n'y a personne. Donc tu vois qu'elle prend la clé en question, enfin, ils ont toujours des... Ah oui, des apparitions étranges, un sentiment d'oppression. Non, dans un bon établissement, il n'y a pas ce genre de choses par chez nous, ne dites pas de... Non, mais là, vous ne parlez pas à des clients, là, vous parlez à des personnes qui vous veulent que du bien. Oui, non, mais on n'a pas ce genre de choses. Vous allez faire peur. Vous allez faire peur à nos clients, s'il vous plaît. Donc, vous la suivez. Et puis, vous arrivez devant la porte de la fameuse chambre où vous avez vu ce visage blafard. Elle ouvre la porte et effectivement, il n'y a personne dans la chambre. Vous voyez bien, je ne dis pas de bêtises. Il n'y a personne dans cette chambre. J'espère que vous ne me faites pas une blague. J'ai du travail, je n'ai pas le temps de... pour ces choses-là. Non, ce n'est pas une blague. Je vous le dis sur mon honneur, j'ai vu quelqu'un, un visage ici, une tête blême, blafarde, livide, qui nous regardait avec mon bon ami Albert. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ouvre la porte, il n'y a personne. Maintenant, je... Travaillez ici depuis longtemps ? Oui, ça fait déjà quelques temps. Hein. Oui, effectivement. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis désolé, je vais devoir redescendre. Je ne peux pas laisser mon poste vacant trop longtemps. Et je vous prie, s'il vous plaît, de ne pas répandre... Bien évidemment, fausses rumeurs sur notre établissement. Merci pour votre service, en tout cas. Et je vous donne quelques lires. Si je me souviens, c'est encore des lires. Oui, c'est la lire, oui. Oui. Mm. Eh bien, merci. Passez donc une bonne journée. Et puis, si vous voulez une chambre, sachez que nous en avons plein et qu'elles sont de très bonne qualité. Ah, merci, mais nous avons déjà trouvé... Ils vous raccompagnent à la porte. Je sais plus comment s'appelle l'hôtel, mais je suis le nom de l'hôtel. C'est un hôtel classe. C'est le plus classe de la ville. Non, oui, c'est ça. Non, mais je lui dis, si jamais elle a besoin de nous contacter, voilà, qu'elle puisse... Ah, ok, d'accord. Elle prend ton information. Et... Monsieur Durantier. Ok. Je vous ferai suivre si jamais j'ai ces informations quelconques à vous donner. Elle vous accompagne donc à la sortie et finalement vous vous rendez compte que c'est le moment où vous allez pouvoir récupérer votre traduction qui vous attend avec grand plaisir. Alors, hop, moi je vais récupérer ma traduction aussi. c'est le document numéro 3. Alors, ce que j'adore dans les documents de la campagne, c'est que Alors sur PDF, ils sont très très peu lisibles. Quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est parce que je n'arrive absolument pas à lire le truc. Je vais exceptionnellement prendre la version papier parce que c'est compliqué, hein. Tu veux que je la prenne moi aussi au côté ou non, c'est non, non non non non non non non. Toi, tu ne touches pas à ta version. Je touche pas. Tu la caresses de loin. Il n'y a pas que moi qui l'ai, hein, je tiens à dire. Je sais, Catherine aussi, mais elle n'y touchera pas non plus. Hop, attends, alors faut que je prenne le bon bouquin. Alors voici, hein, j'en profite. Voici les bouquins de la campagne. Ils sont pas mal. Hein. Qui sont jolis, hein, c'est de belles pièces. Hein. Il y a 3 volumes. Ouais, ils sont magnifiques. Mis à part le fait qu'à l'intérieur c'est noir et blanc, c'est un peu décevant, mais les pochettes sont magnifiques. Ouais, noir, c'est décevant. Bah, en fait, je trouve qu'elles sont tellement jolies, les pochettes, que quand tu les ouvres, t'as envie d'avoir cette même ambiance et. La couleur. Et du coup, t'as juste du noir et blanc. Ouais. Ouais, mais c'est un peu classique à cette époque de faire ça, donc tu vois, je ne leur jette pas la pierre. Oui, non, mais je le jette pas vraiment. C'est juste un goût esthétique, quoi. Contrairement à la nouvelle édition là, qu'ils ont sortie, la boîte de base. Mmh. Quoi qu'il en soit, vous finissez donc par rejoindre le traducteur, hein, qui doit vous remettre votre traduction. Est-ce qu'il a pu au moins en finir ? Vous êtes randonné rendez-vous à la bibliothèque. Alors, quand vous arrivez sur les lieux, vous voyez que la personne qui traducteur est au fond de la bibliothèque. Il a l'air d'être assez stressé, assez comment dirais-je, perturbé. Vous arrivez vers lui. Écoutez. Je ne peux pas continuer à faire cette traduction. Je ne veux pas le continuer. Je me fous de savoir si vous me proposez plus d'argent. Je ne peux pas continuer. Vous voyez qu'il vous tend le livre plus a priori des feuilles sur lesquelles il a traduit déjà de façon partielle le bouquin. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne me laisser tranquille. N'essayez pas de me contacter, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur, nous sommes désolés de vous avoir mis dans la barre. Quelque part, nous savons que les informations pouvaient être sensibles, mais nous n'avons peut-être pas idée. Dites-nous ce qui vous a effrayé. Non, mais écoutez, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Hein, c'est terminé. Mais et tu vois qu'il pose le bouquin et qu'il s'en va. Moi, je vais voyez donc il est écrit, sur vous voyez sur le bouquin donc j'ai fait transmettre ce que vous voyez normalement et donc tu pourras toujours enfin tu pourras toujours le mettre en général pour les autres et je vais vous lire du coup ce qu'il y a dessus parce que moi j'arrive à lire avec le bouquin. Qui prend la feuille pour le lire ? Oh, quoique je vais partir que c'est Emilio. Voilà, c'est vrai. Pour le coup, ça a fait sens. Donc Emilio, tu prends la feuille et tu peux lire ceci à ton goût. 3 mai. La tablette de... Et entre parenthèses, illisible. Est correcte. J'ai été à Regensburg. Et j'ai parlé... aux choses qui s'y trouvaient. Elles m'ont ordonné de porter une amulette et une autre... Enfin, j'arrive pas bien à lire. Enfin, j'ai enlevé les lunettes parce que je suis complètement là. Une amulette à une autre enclave près de Fergest, en Autriche. Je suis prévenu, si j'approche sans l'amulette, je serai détruit. Elles ont besoin de cet objet pour un de leurs projets obscurs. Je crains de les aider à libérer leur maître de sa prison arctique. 15 mai. Maudit soient ces bêtes, et maudit le jour où j'ai décidé de les chercher. Chaque nuit, le rêve revient, ne me laissant aucune paix. À quoi bon continuer ? L'art, qui était ma passion, n'éveille plus le moindre intérêt. Et mes semblables ne sont plus que des masques peints sur des crânes ricanants. Moi aussi, je porte mon masque. Je parle de l'art, mais la beauté s'est évanouie du monde et mes mots ne sont que cendres dans le vent. 1er juin. Arrivé sans encombre à Fergest, les rêves qui me poursuivent depuis Regensburg sont toujours là. Mon seul espoir est qu'ils cessent une fois que j'aurai rendu l'amulette. 2 juin. J'ai rencontré un habitant du cru, Arcangeli, qui promet de me distraire quelque peu. Plus important, certains signes et paroles subtiles m'amènent à penser qu'il connaît ses entités et qu'il peut me guider vers leurs repères. 3 juin. Je ne peux pas faire confiance à Arcangeli. Il m'a demandé de voir l'amulette, puis pour leur prouver ma qualité de coursier. Mais ses manières sont sournoises et je le soupçonne de vouloir ramener l'amulette lui-même. J'ai gagné du temps, mais sans lui, je n'ai aucun moyen de les atteindre. 5 juin. J'ai cédé sous le poids du désespoir. À l'aide du rituel, j'ai parlé à la chose qui est venue et j'ai appris d'où elle venait. Les bêtes savent que je suis là, avec leur amulette. Elles m'ordonnent de l'apporter à leur repère où je subirai leur colère. Mon cœur en est malade. 6 juin. J'ai réussi à échapper à ce bougre d'Arcangeli et à cacher l'amulette. Je suis dorénavant certain qu'il a l'intention de la voler. L'ayant surpris en train de retourner ma chambre, je vais devoir attendre jusqu'à ce que je ne sois plus surveillé pour retourner de mes propres moyens aux cavernes d'Algensberg pour livrer l'amulette. Je n'ose pas m'y rendre sans elle. 7 juin. Arcangeli persiste à me harceler. Je ne peux pas récupérer l'amulette sans qu'il la voie. J'ai découvert que lui et d'autres serviteurs des bêtes de la région s'emparent de tous les objets occultes qui passent à leur portée, espérant que ces offrandes les apaisent. Je frémis à l'idée qu'ils trouvent l'amulette complète, la tâche qui m'a été confiée à ma place et que ces rêves ne s'arrêtent jamais. Voilà. C'est tout lu. Le type est mort. Et le type est mort. Je ne suis pas Spider-Man. De là, on voilà. Peut supposer que le traducteur a fait les mêmes rêves. Qu'il a tout simplement eu peur de ce qu'il a lu, de ce qu'il a traduit. Ce qui... soit peut faire sens. Les textes ne seront pas très réjouissants. Les cavernes d'Algernsberg. Il n'y a pas des grottes dans le coin là ? Effectivement, il y en a. Où Ouais, oui, il me semble que quand tu nous décrivais la ville, quels sont les noms de ces grottes? Alors, Grotta di Bon, bah du coup, ça semble corroborer avec sa mort et qu'il a donné tous ses biens là au serveur, et peut-être dedans il y avait cette amulette censée être livrée à ces créatures. Donc, il faut retrouver peut-être ce serveur, cette personne. C'est pas Archangeli, on est d'accord, c'était le voleur, celui qui l'a tué. Oui, mais ça, c'était il y a... 300 ans, 200 ans, 100 ans. Ça fait quelques années, donc tu peux imaginer qu'il est fort probable que ce soit passé il y a très longtemps. Oui. Maintenant, vous avez conscience qu'il y a une amulette. Une amulette souvent à la taille d'un... Médaillon, effectivement. Mais rien à voir avec le simulacre de CDFK, ces notes ne contiennent aucune information dessus. A priori, non. Quoi diable, on a été envoyé ici par professeur Smith. Il y a peut-être un lien, hein. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore eu, puis tout n'a pas été traduit, hein. Nous avons que quelques pages. On doit aller voir ce traducteur proposé par sœur par le monsieur Arcon Giovanni. Ah, celui dont vous n'aviez pas confiance, ah, c'est non, ça Anton Raphaël, non, ça c'est... Marcus from... Voilà, c'est ça. Marcus Francadelli. C'est ça le traducteur linguiste de grec ancien. C'est ça. Donc en gros, vous voudriez aller voir finir le texte, un traducteur mais... qui nous a pas... Très tenté. Oui, mais... Je pense qu'on devrait rester sur cette position. Tu dis ça, mais même moi, j'ai vu qu'il mentait quand il a dit que son bras, il l'avait perdu à la guerre. Il montait. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, il me semblait honnête, mais j'ai confiance en vous. Il donc, fait un sacrifice. Non, mais. Mais ça bougeait sous son bras. J'ai l'impression qu'il l'a pas perdu. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser, mais. C'est ça. Tony Estrangeli, c'est celui qu'on a pris. Mais Marcus Franconedelli, celui qui nous a été proposé. Linguiste grec ancien, c'est ce que j'ai mis. Mmh. Après, ça peut être une bonne chose de savoir ce qui est arrivé à son bras. Ça pourrait te donner une indication sur le futur du vôtre, Peter. Pardon ? Je pensais que je vais devenir manchot. D'ailleurs, assez... Non, je... Visiblement, non, mais... À cette mention de ton bras, d'un coup, tu as d'énormes démangeaisons. Ah, désolé. Est-ce que ça va aussi même pas tenté d'aller lui donner les informations qu'on a. Mais si on devait recroiser la route de ce terminal, enfin, il faudra bien peut-être qu'on le revoie. Je ne sais pas. Mais peut-être que tu pourrais lui laisser apercevoir les marques sur ton bras pour voir la réaction qu'il pourrait avoir. Ça pourrait être intéressant. Je suis d'accord. Si c'est la même chose qu'à l'origine des deux bras, il y a moyen d'en savoir un peu plus. Moi, là, de suite, je suis tenté d'aller visiter les grottes. Au hasard, comme oui. Ça. Et il y a marqué qu'il y a du médaillon. Hein. Non, mais... D'abord, plutôt de se renseigner sur, sur le nom de cette caverne, de savoir si, si cette caverne, elle, elle est dans le coin. Je pense que oui. Je vais t'aider. La caverne de la muerte, la mort en italien. Sérieusement, petit ref. Mais moi, je suis plutôt pour retrouver peut-être les traces du serveur. Je sais pas si on a de quoi peut-être retrouver les derniers annuaires du vieil hôtel à la bibliothèque ou un truc comme ça, quoi. Parce que peut-être c'est lui qui avait en sa possession cette amulette. Et comme Arcangeli, bon, il s'est fait un peu tuer de manière assez ignoble, je crois, il s'est fait écarteler ou un truc comme ça. Je sais plus, ou le supplice de la roue, où on tape dessus avec un bâton. Il y avait un truc comme ça glauque hein, dans l'histoire, j'avais compris. Je propose peut-être que, comme il n'a pas eu le temps de finir son coup, la dernière personne à avoir les affaires, c'est bien le serveur, et il faut retrouver sa descendance ou n'importe quoi. Bien qu'il avait marqué qu'il l'avait planqué, je ne sais pas s'il l'avait récupéré. Enfin, c'est illisible, hein, par contre, le texte. Hein. Mais c'est pour ça que je voulais lu avec le bouquin, parce que c'est juste pas possible de le lire. Même avec le PDF, j'avoue que j'ai eu du mal aussi, donc... Qu'est-ce que tu voulais savoir? Quelle date tu veux? Le 6 juin, je crois. 6 juin. Alors, j'ai réussi à échapper à ce bougre d'Arcangeli et à cacher l'amulette. Je sais dorénavant. Je suis dorénavant certain qu'il a l'intention de la voler, l'ayant surpris en train de retourner ma chambre. Je vais devoir attendre jusqu'à ce que je ne sois plus surveillé pour retourner de mes propres moyens aux cavernes d'Algesberg pour livrer l'amulette. Et je n'ose pas m'y rendre sans elle. Du coup, le 7 juin, est-ce qu'il l'avait repris? Alors, Arcangeli... Merci. Voilà. Tu l'as récupéré. Je ne peux pas récupérer... Non, je ne peux pas récupérer l'amulette sans qu'il le voie. J'ai découvert que lui et d'autres serviteurs des bêtes de la région... s'emparent de tous les objets occultes qui passent à leur portée, espérant que ces offrandes les apaisent. Je frémis à l'idée qu'ils trouvent l'amulette, complètent la tâche qui m'a été confiée à ma place, et que ces rêves ne s'arrêtent jamais. Ouais, bah, je pense qu'il l'a planqué dans sa chambre. Pardon ? Alors, dans sa chambre, et toi, Albert ? Non, j'étais juste en train de relater l'info en me disant simplement il voulait rendre donc l'amulette pour que ses rêves s'arrêtent et il n'y est peut-être pas arrivé, donc elle est peut-être cachée. Ouais. Si, il y est arrivé, mais par un autre moyen. Et, je baisse un peu le piano. Moi, je pense que clairement, il l'avait planqué dans sa chambre. Et apparemment... je ne peux pas récupérer l'amulette. Bon, peut-être il était suivi par Arcangeli, mais peut-être pas dans sa chambre. Dans la chambre, ouais, il l'aurait vu, de toute façon, parce qu'il a retourné sa chambre. Ouais, du coup, c'est pas dans sa chambre. Ouais. Est-ce que tu peux me lire celle du 5 juin? Juste comme ça. Alors, c'est le rituel. Le 5 juin, j'ai 3 jours. Le 3 juin, tu veux? Alors, ouais. Je ne peux pas faire confiance à Arcangeli. Il m'a demandé de voir l'amulette pour lui prouver ma qualité de coursier. Mais ses manières sont sournoises et je le soupçonne de vouloir ramener l'amulette lui-même. J'ai gagné du temps, mais sans lui, je n'ai aucun moyen de les atteindre. Ok, non. Est-ce qu'il faudrait voir s'il n'y a pas un lieu qui décrit peut-être où il l'aurait planqué, mais ça m'étonnerait. Il fait juste mention qu'il a caché l'amulette. Maintenant, il ne dit pas où. À aucun moment, il donne une indication de où il aurait pu cacher l'amulette. Mais bon, vous comprenez très rapidement que l'amulette, c'est un peu la clé de tout, hein, okay. Finalement. Puisque... voilà, si peut-être que... vous savez, amulette, grotte. Voilà. Rappelez-moi ce qu'avait obtenu la famille. Alors, je reprends le truc. Termona. Termona, ouais. C'est ben, ce bouquin, justement. Juste le bouquin. Juste le bouquin. À tous les coups, ils sont à la recherche de l'amulette aussi depuis tout ce temps. Voilà, c'est d'autres serviteurs cherchant des produits occultes, tu vois. C'était marqué, donc je pense qu'il est de mèche avec les bêtes. Voilà, là, ils te disent bien que, voilà, que, ils cherchent, ils chopent tous les objets occultes qu'ils trouvent dans le coin pour peut-être calmer ou je ne sais quoi, pour apaiser les bêtes. Bêtes qui ne sont autres à coup sûr que les créatures que tu as observées sur la fresque. Pourquoi pas. Ah voilà, abattu à mort sur une roue installée devant l'hôtel où il avait commis son crime. Bah dis donc. C'était joyeux en 1717. Hop. Alors, vous avez du coup une traduction incomplète. Hein, le traducteur ayant fui la traduction et vous ayant balancé tout ça. Vous savez maintenant qu'il y a un médaillon, enfin une amulette quelque part, qui a priori est plutôt importante. Des grottes, des bêtes. Qu'est-ce que vous faites ? En sachant que il est à peu près maintenant dans la journée, à peu près 19h, 20h. Donc, comme c'est une période, les jours sont plus courts, donc la nuit commence à pointer. Et d'ailleurs, le bibliothécaire, qui normalement aurait dû fermer bien plus tôt, il a été plutôt sympathique avec vous, mais il vous demande de quitter les lieux. Parce que la bibliothèque ferme. Et on va rentrer à l'hôtel, on va souper, se reposer, essayer de réfléchir à toutes ces infos. Et moi, j'aimerais bien arriver à déduire où est-ce qu'il aurait pu, bien entendu, lui cacher son médaillon. Mais je crois qu'on n'a pas assez d'indices. Quittez la bibliothèque, vous commencez à rentrer vers votre hôtel. Vous allez me refaire, s'il vous plaît, un jet de toc. Mm-hmm. 17. Je sais pas comment annoncer ça. Quoi, t'as fait 100, 100 Ouais, j'ai fait 100. Alors bon, ça va. On peut considérer que, je sais pas, là, tu peux relancer. Je donne 0. Hein. T'as le droit de relancer. Tu peux relancer peut-être. Tu veux pas faire. Après, c'est vrai que je suis très fort en toc. Hein. Ah ouais, non, attends, je relance parce que de toute façon, au pire, il va faire quoi, le MJ, il va me tuer. Bah voilà, 60, ça passe. Ok. Voilà. Et toi, tu as fait combien, Albert? 30. Pardon? 30. 30, ok. Eh bien, malgré la luminosité assez faible des rues, hein, vu qu'il fait quasiment nuit maintenant, l'éclairage public est plutôt bon. Dans le secteur où vous êtes. Et à un moment donné, vous entendez une personne crier au fond de la rue, mais genre un cri, pas un cri de terreur ou quoi que ce soit, mais un cri genre plutôt de bagarre ou d'altercation entre gens un peu éméchés. plus ça en gros, et ce qui vous fait tourner la tête. Et quand vous tournez la tête, eh bien vous remarquez tous, encore une fois, ce même visage que vous aviez remarqué un peu plus tôt dans la journée, au moment où vous dirigiez vers la bibliothèque. Oh non. On nous a fait super. Merde. Vous voyez que cette personne, clairement, là, vous avez compris, vous êtes suivi. Personne est plutôt maladroite. Cette même dégaine, assez pataude, grand. Vous vous rendez compte que, a priori, elle doit pas être très très futée. Hein. Honnêtement, voilà quoi, C'est... Emilio, tu lui refais le coup de Venise. Alors, clairement, vous voyez sur ce marque. Visage. C'est le visage que vous pouvez observer. Quand j'ai remarqué qu'on était suivi, tu vois, hein, j'ai fait une bonne réussite normalement. J'avais mon arme, tu vois, au niveau des côtes. Je la tenais déjà. Quand j'ai la certitude qu'on est suivi, voilà, qu'on a tous cette certitude, je me retourne, je lui fais ce que vous nous voulez. Je suis pas quelqu'un qu'on veut comme un ennemi. Maintenant, tu as parlé. Non, mais vous inquiétez pas, je vous veux rien du tout. Doucement mon arme, en fait. Dans le reflet un peu, tu vois. En fait, j'ai entendu que vous parlez anglais et en fait, j'aimerais pouvoir pratiquer mon anglais avec vous parce que mais j'étais trop timide pour vous aborder avant. J'ai un pas vers lui avec l'arme pointée sur lui. Non mais c'est vrai, je vous jure, je vous mens pas, monsieur. Tu vois qu'il est foncièrement terrorisé. Hein. Il peut pas le jouer, hein. Clairement. Ici qui t'envoie. Mais non, mais je vous dis, c'est vrai. J'amorce la détente. Timide. Je suis très timide, hein, mais je suis très timide, je vous jure. Je le fouille pendant ce temps, puisqu'il lève les mains. Moi, tu fouilles, tu trouves pas grand chose finalement sur lui d'intéressant. je voulais apprendre l'anglais avec vous. Il a pas un papier d'identité ? Tu trouves une pièce d'identité. Ce serait un gars, il s'appellerait Cesare Druni. S'il vous plaît, je vous embêterai plus, je m'en vais, c'est promis. Je suis désolé, je voulais pas vous faire peur. On va te raccompagner chez ta mère. T'accompagner chez ta mère, t'inquiète mais pas. Mais j'ai pas de mère. Si tu es en ce moment. J'ai plus de mère, elle est morte. On va accompagner chez ton père, c'est pas un souci. Je suis orphelin maintenant. Ah, bien, on va être accompagné. Bah, tu vois quand même que c'est pas un gamin, hein, c'est un adulte, quoi. Ouais, ah, ouais. Non, on va être accompagné chez ta bonne femme. On va te faire rencontrer tes ancêtres. Elle doit s'inquiéter que tu ne reviennes pas. Je suis célibataire. Bête. Je suis seul. Alors, attendez. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cesare. César comment? Druni. Druni? Oui. Bon, écoute, César Druni, je ne sais pas qui t'a appris à suivre des inconnus pour leur demander comment ils parlent, mais je pense que ce n'était pas un bon mentor. Je ne comprends pas pourquoi tu nous suis, mais tu as intérêt à ne pas continuer. Non, je vous jure, je le ferai plus jamais, vous me verrez plus jamais. Ouais. Oui. Je vous embêterai plus jamais, je vous jure. Bon, écoutez, Emilio, laisse-le. Il a pas d'arme sur lui. Et là, j'ai lui coller un peu, tu vois, genre, à ce niveau-là. Non, s'il vous plaît. Ne suis plus des inconnus, ok, petit. Non, oui, je vous jure, je vous jure. Allez, c'est bon, Emilio. Et je lui fous une tape dans le dos pour lui dire, allez, casse-toi, maintenant. Ok, tu vois qu'il perd un peu l'équilibre et tu vois, il se plante un peu par terre et en même temps, il se rattrape d'un coup et puis il commence à courir dans l'autre sens, à l'opposé de vous, et pour disparaître dans la pénombre. Avant qu'il disparaisse, je lui dis, n'oublie pas que la famille pourra te retrouver réunie. Et toujours, tu n'entends rien, t'entends rien de ce qu'il dit. Hein. Il dit rien d'ailleurs, parce que mais il, enfin juste en courant. Et voilà quoi. Du coup, vous continuez votre trajet en de temps en temps jetant un œil si jamais quelqu'un venait à vous suivre, mais il n'y aura plus personne va vous suivre. Hein. Vous arrivez à votre hôtel. Attends, parce que du coup, il faut que je me mette sur le bon truc, hein, parce que bien sûr, il a fallu que je me plante. Hop. Qu'est-ce que vous faites à l'hôtel ? Bon. Moi, je surveille en fait, qu'on ne se fasse pas suivre en fait, jusqu'à l'hôtel, tout simplement. Ouais, bah là clairement, j'estime que vous avez fait attention plus ou moins à ça et que bon bah voilà. Hein, En vrai, on a tellement d'ennemis, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un membre du culte de la chair, une veste noire, un anarchiste. Ça peut être aussi un mec des fesses rouges. Ça peut être n'importe qui. Ou juste un mec un peu curieux, quoi. Pour moi, c'est pas quelqu'un de trop puissant, parce que sinon, t'aurais pas envoyé lui. Peter ? Genre, dans nos ennemis, ça va être des mecs un peu nuls. Peter ? Oui, il a joué la personne un peu nulle pour qu'on se méfie plus de lui, mais... Moi, je suis pas il joue bien. Je vais demander à tout le monde d'enlever son casque et je vais garder Monsieur Peter. Pourquoi ? Parce que... Allez. Peter, tu... Avant de te requinquer par le repas, puisque vous allez aller manger, tu es parti dans ta chambre pour... un peu te rafraîchir le visage et peut-être récupérer une petite aspirine pour essayer de te faire te soulager un peu la tête parce que c'est vrai que c'était un petit peu... au moment où tu rentres dans ta chambre, tu t'approches de ton lit. Et sur ton lit, tu trouves un document posé sur ton oreiller. Sur celui-ci. Je regarde la porte si elle est. Tu regardes la porte Ouais, si elle a été forcée ou si on avait les clés. Non. Quoi. Non. On n'a pas tenté de projeter, quoi. Non. Ok. J'étais pourtant sûr d'avoir fermé la clé derrière moi. Sur. Est-ce que tu t'approches du coup de ton lit et de ce document qui est posé sur l'oreiller ? Oui. Ok. Est-ce que tu le lis ? Oui. Okay. Alors tu vois écrit un document daté du 13 septembre 1797. Présidé par le chef de bataillon Gaston Fauzil. suite à l'enquête sur la mort du sergent André Legrand et du soldat Jules Héron, les faits suivants ont été déterminés par le tribunal. Le 9 septembre, le sergent André Legrand, le caporal Marcel Lanière et les soldats Jules Héron et Louis Cochefer de l'unité de Legrand buvaient dans une taverne. Il capro Ubriaco, la chèvre sous. Quand ils sont tombés sur Marchetti, d'après les témoins, Legrand était fortement enivré. Le caporal Lanière et les deux soldats sont montés à l'étage où le propriétaire de la taverne tient un bordel. À leur retour, Legrand et Marchetti avaient disparu. Un peu plus tard, le corps de Legrand fut retrouvé dans une allée proche. Les témoins ont déclaré qu'il était de notoriété publique dans l'unité que le sergent Legrand avait acquis un objet de valeur à Paris. Il le conservait dans son paquetage. Il avait son sac avec lui à la taverne, mais on ne l'a pas retrouvé avec son cadavre. Lanière, Héron et Cochefer partirent à la recherche de Marchetti dans l'idée de venger la mort de leur sergent, mais aussi pour récupérer son trésor. Le 10 septembre, les trois hommes trouvèrent Marchetti buvant à la taverne Caverna dei Rettili, la cave du lézard. Ils attendirent qu'il en sorte, le prirent en embuscade, l'assommèrent et le tirèrent dans un cul-de-sac où ils tentèrent de lui faire dire ce qu'il avait fait du sac. Après les témoins, Marchetti commença par nier l'avoir pris, mais après quelques coups, il confessa qu'il avait donné le sac et son contenu à son maître. Marchetti refusa de divulguer son nom et fut copieusement rossé. C'est durant cette deuxième bagarre que la chemise de Marchetti fut arrachée. Après cela, les faits sont flous. Les témoins parlent de cris suivis de coups lourds. Appeler les autorités civiles, découvrir Lanière et Cochefer étourdis et blessés, ainsi que deux corps. L'un d'eux était celui de Héron, des marques sur son cou, suggérant qu'il avait été étranglé. L'autre était trop abîmé pour qu'on le reconnaisse, mais il peut s'agir de Marchetti. Lanière prétend qu'il avait le corps d'un monstre et qu'il avait réussi à étrangler Héron avant d'être tué. D'après lui, Cochefer l'a ensuite cogné avec une bûche, ce qui explique l'état du corps. Une bûche pleine de sang a été trouvée sur les lieux. Cochefer n'a pas donné sa version. Les docteurs qui l'ont examiné estiment qu'il ne retrouvera probablement jamais ses esprits. La conclusion de ce tribunal est que Legrand a été tué par le civil Marchetti au cours d'une rapine. Héron a été tué par un ou plusieurs personnes inconnues. La mort de Marchetti n'est pas confirmée. Voilà. Je pars du principe que, pour ne pas faire attendre tes camarades, je vais retourner à eux et quand tu le désireras, eh bien, tu pourras revenir dans la conversation. Tu auras juste à dire bonjour ou bonsoir ou je suis là. On fait comme ça ? Ok. C'est le mot de passe, hein, c'est je suis là, c'est ça ? Voilà. Ça y est, il a perdu combien de points de stun ? Al. Il manque que Al. Oh, j'en ai pas perdu. Mais son casque, le voilà. Albert est de retour. Vous êtes tous les trois prêts à choisir une table. Vous demandez d'ailleurs où est Peter. Il n'est pas encore descendu, mais bon, ça vous inquiète pas plus que ça. Probablement parti à sa chambre pour se rafraîchir un petit peu. Vous avez vu qu'il s'est toujours pas trop remis de sa nuit festive d'hier soir. Vous avez un des serveurs qui vient vers vous et qui demande est-ce que vous souhaitez vous restaurer ? Oui. Oui. Ok, bien. Je vous laisse à cette table. Allez-y. Je vous envoie tout de suite la carte. Vous pourrez donc choisir. Bien, merci, c'est pas aimable. Merci. Mmh. Il y a... Moi, je vais arriver d'ici peu. D'accord. Oui, PC Peter. Je suis là. Sur ma toilette, mais bon. C'est bizarre. Pendant bon. Que... Bon, pendant un petit apéritif avant. Voilà, vous êtes attablé et puis, sans aucune explication aucune, le courant s'éteint. Il fait noir dans la salle commune. Vous voyez très rapidement le personnel qui s'affaire et dit « Vous inquiétez pas, nous allons rétablir le courant très rapidement. Nous allons mettre... Enfin, vous voyez qu'ils arrivent avec des bougies, des lampes à pétrole, qui disposent un peu sur les tables. Voilà. C'est le moment où toi, Peter, tu t'apprêtes à descendre et d'un coup, tu vois la lumière qui s'éteint. Tu te retrouves un petit peu dans le noir. Et tu as un des agents du personnel qui vient vers toi. Vous voulez que je vous emmène quelque part ? Vous souhaitez-vous vous rendre ? Tu vois, bizarrement, je suis un peu méfiant là cette fois. Et je lui dis non, partez. Ok. Bah, écoutez, je vous laisse quand même une bougie. Ça peut vous servir ? Oui. Ok. J'essaye de rejoindre la salle principale, le hall. Et okay. Ensuite, là où il y a les repas. Bah, vous voyez débarquer un peu quelques temps après Peter qui est là en train de chercher un peu au loin votre position. Et à un moment, on finit par trouver trois personnes assises dans un coin du restaurant et se dirige vers vous. Et il vient s'asseoir à votre table. Je fais le mot de passe, du coup, je leur dis bonjour. C'est pas ça ? Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je vais leur raconter l'intégralité de ce que j'ai vu. Et je vais vous dire que quelqu'un est rentré dans ma chambre. Pas une personne malveillante, quelqu'un qui a voulu nous aider. Et je dépose le document que j'ai trouvé. Il y avait ça sur la tête de mon oreiller. Ça parle, je vais faire le résumé. Et parce qu'ils n'ont pas entendu. Oui. Bah, si. Alors, vas-y, fais ton résumé. Ça parle de trois soldats lors de la guerre italienne, trois soldats napoléoniens, je pense, qui sont retrouvés ici en 1789, en septembre. Et ça parle de la mort de l'un d'entre eux, donc un certain André le Grand, mort en septembre 1787. Et les faits sont déroulés assez étrangement, donc ça s'est déroulé dans la taverne de la Chèvre Soule, qui est aussi un bordel pour être exact. Et pendant que ses camarades se sont donnés à cœur joie aux étages, André le Grand se fait... alpagué par un certain Marcotti, ivre, et ils ont disparu un moment, et on a retrouvé le corps d'André le Grand dans une ruelle. Il a simplement été mort. Mais on a appris que des soldats ont dit qu'André avait un objet très précieux sur lui, et désirant venger leurs camarades et surtout récupérer le bien précieux, les trois compères ont décidé de retrouver Marcotti qui était en train de boire dans la cave du lézard. Et ce qui s'est déroulé, c'est un peu étrange. Marcotti s'est fait attraper par les trois, mis dans une ruelle et ensuite tabassé. Donc molesté violemment. Celui-ci dit que l'objet, il a déjà nié les faits de meurtre et de vol, mais ensuite il a avoué qu'il a volé l'objet pour le donner à son maître. C'est alors que quand l'un des compères... Je baisse le son. L'un des compères arracha sa chemise, qu'on entendait des cris... dans les environs. Donc les témoins ont dit qu'ils ont entendu des cris. Et on a retrouvé les quatre corps, dont un mort, enfin deux morts plutôt, le corps d'un des soldats qui fut étranglé, les deux autres ont été assommés, et enfin le corps qu'on peut à peine discerner, peut-être celui de Marcotti, mais rien n'en est sûr. Il aurait été tabassé à coups de bûche par l'un des compères, mais... certains témoignent que Marcotti s'est transformé en monstre. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a sur le document. On vous apporte beaucoup d'informations. On vous apporte la soupe. Hein. Voilà. Vous êtes en train de manger et Peter vous narre un petit peu tout ça. Quand quelque chose d'assez troublant se passe, l'hôtel est toujours plongé dans le noir et seules les lumières des bougies et des lampes à pétrole allument la pièce. Et c'est un dîner aux chandelles. Vous avez l'impression que vous vous enfoncez dans votre siège, comme si votre siège vous aspirait un petit peu, comme si le siège devenait, l'assise devenait molle et que finalement petit à petit vous vous enfonciez à l'intérieur. Au même moment, la table se soulève devant vous. Qu'est-ce qui se passe? Et dans quelques secondes après, elle retombe. Tout ce qui était sur la table se renverse, une carafe d'eau, votre assiette de soupe, votre verre de vin. Et d'un coup, tous les gens, le personnel, les gens, les clients se tournent vers vous, vous regardent et ils sont choqués parce que foutez le bordel, quoi. Faites-moi un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Pardon, excusez-nous. Tout est sous contrôle. Alors, c'est ma soirée, c'est moi qui régale. 99. Ok. J'ai à peine fait parce mieux. Parce que, j'ai fait 97. Horrible. Emilio, ah bah voilà. Non, parce qu'il faut avouer que des trucs horribles, ça va. Mais une table qui se lève, hein, là, c'est trop. Alors, moi, j'arrête. Clairement. Peter, tu es le seul, en gros, à plutôt bien gérer la situation. Disons que peut-être que l'entrée en matière de cette feuille qui tombe de nulle part sur ton lit, t'avais un petit peu préparé à quelque chose de bizarre, je sais pas, mais dans l'idée, tu gères plutôt bien. Et puis, tu te souviens que quand tu faisais du cinéma... ces petits trucages, ça pouvait se faire, quoi. Une table qui se lève, qui retombe, un siège qui s'enfonce. C'est des trucs de cinéma, quoi. Ça arrive, quoi. Par contre, vous autres, c'est pas trop le cas. Toi, Catherine, même si t'as déjà assisté un peu à ce genre de choses par le passé, les tarots... les mystiques, les esprits, c'est un peu à la mode en ce moment, ça se fait pas mal sur Paris. Il y a plein de petits salons comme ça, et tu veux dire, ça t'a perturbé un petit peu. Est-ce qu'il y aurait des esprits dans cet hôtel? Tu perds un point de santé mentale. Emilio, clairement, t'étais pas très très bien. La journée passée, bon là tu te remets un petit peu, même si t'as bu un peu hier soir, c'était sans plus, quoi. Mais là, ce qui se passe, ça te fait très mal à l'aise. tu perds aussi un point de santé mentale. Et Albert, ça n'a pas de sens. C'est pas logique. C'est pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une table qui se lève. Moi, toi qui t'enfonces dans ton siège. Ça n'a pas de sens. Tu perds toi aussi un point de santé mentale. Tu vois que bah, finalement, les gens les employés viennent vous arranger la table, qui vous regardent quand même avec de façon un peu moyen, tu vois. Ils disent, putain, c'est le bordel, quoi. Enfin, sans vous le dire, parce que, limite, vous vous excusez un petit peu. Désolé. Et... fait noir. Et vous recommencez un peu votre repas. Même si c'est perturbant, Peter continue quand même à évoquer ces trois soldats napoléoniens. Alors, c'est vrai que vous saviez que... Enfin, on vous avait dit que peut-être il y avait une corrélation entre Napoléon, les morceaux de CDFK, il supposait peut-être qu'il puisse en avoir un ici. C'est troublant. Et alors que t'es en train de couper un morceau de poulet, tu vois que quand tu t'apprêtes à amener le poulet à ta bouche, tu vois que une masse d'asticots en sort. Oh non. Ça fulmine et ça commence à ramper sur ton assiette. Et tu vois ça. que t'avais pas tout à fait fini de manger ta dernière bouchée et quand tu ouvres la bouche, tu as des asticots qui tombent de ta bouche. Oh non, ah je vomis. Tu vois que bah, vous voyez tous Albert en train de vomir. Et vous ne comprenez pas son attitude. Il était en train de manger son poulet qui avait l'air bon de surcroît. Et d'un coup, vous le voyez cracher, vomir ce qu'il a dans sa bouche. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Aidez-moi. Peter, sur le coup, on voit des verres ou pas? Pas du tout. Pardon. Vous ne voyez absolument rien. Peter, dans un élan, tu décides le voyant qui vomit, tu lui proposes ton verre de vin pour qu'il se débarbouille un petit peu la bouche. Et tu vois que au moment où tu saisis ton verre, qui était quasiment vide, eh bien, il commence à se remplir tout seul. Le niveau monte, monte, monte. C'est de l'eau. C'est du vin, a priori, mais plus tu regardes et plus ce liquide rouge qui s'apparentait être du vin commence à être, selon toi, assez épais, trop épais pour être du vin. Mais tu vois que le niveau monte, monte, monte, monte, jusqu'à déborder du verre et jusqu'à t'en recouvrir partout sur la table, sur ta main. Et tu vois une énorme flaque, ce qui, maintenant tu es sûr, est du sang qui se répand sur la table. Et ce qui te choque le plus, c'est que quand tu regardes bien, la tache forme une image et tu vois que c'est le visage d'un homme couronné de feuilles et de baies. Une image de quoi, pardon ? Un homme couronné de feuilles et de baies. Alors que au moment limite tu frises quoi, t'es vraiment genre tu sais pas quoi faire et au moment où tu vois il y a un serveur qui s'approche. C'est Jesus. Et le verre que tu tiens dans la main t'échappe des mains, se soulève dans les airs, se retourne et se fracasse sur la table. Scusi. tu vas me faire un jet de santé mentale. Et Albert aussi, tiens. Pour la peine. Note. Aïe, aïe, aïe. 83. Clairement, tu t'enfonces un peu plus dans ta torpeur. Ça t'a quand même pas mal secoué. Autant une table, bon, c'était difficile à avaler, mais là, des verres que tu sors d'un poulet, de ta bouche. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. De son côté, pareil, Peter, ça n'a pas de sens. Autant la première fois, les effets spéciaux, tout ça, la table, ok, bon. Mais ça, ça passe pas. Tu perds un point de santé mentale. Je me sens mal. Que faites-vous, Catherine et Emilio? Quels sont vos... En voyant tout ça, tout ce qui se passe... Sans regard à Catherine, moi, un peu dubitatif. Tout en sachant que vous n'avez... Bien entendu, pas vu, c'est ce sang et tout ça, on est d'accord. Il n'y a que Peter qui a pu voir tout ça. Voilà. Est-ce qu'on a vu au moins le verre se fracasser ou qu'est-ce qu'on a vu, nous? Vous avez juste pu voir le verre tomber, en fait. Vous n'avez pas vu forcément le verre se lever, mais juste, vous avez vu le verre tomber des mains de Peter, quoi, et s'écraser par terre. Comme si pour vous, il l'avait jeté, en fait. Comme s'il l'avait jeté violemment de lui-même sur la table. Qu'est-ce qui nous arrive? Je balbutie 2-3 mots, je fais faut qu'on monte, les gens nous remarquent. Quoi? Tu vois pas le sang? Isolons-nous. Il y a partout. Il y a pas de sang, il y a pas de sang, Peter. Faut m'aider. Vous voyez que les gens autour de vous commencent vraiment à s'offusquer. Il y a des gens qui commencent à ouvertement vous vilipender. Vous êtes vraiment le centre de l'attention, hein, sur la pièce. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de talk, s'il vous plaît? Oui. 59, ça passe. 58. Tout le monde, moi aussi? Bah tout le monde, tout le monde. 60. Et ça passe. 68, ça ne passe pas pour moi. Non, Emilio, tu es quand même traumatisé de ce qui s'est passé et tu as un peu la tête dans tes mains. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Du coup, tu es concentré sur toi-même. Par contre, vous trois, vous commencez à vous rendre compte que les gens vous détestent, hein, quasiment, parce que vous foutez le bordel, clairement. Et à un moment donné, vous avez tous le regard qui part dans la même direction. Et vous remarquez quelque chose. C'est un client, un homme, très pâle, habillé en noir, qui vous regarde, et qui, après, vous voyez partir et qui se faufile pour entrer dans la cuisine. Je vais le suivre. Ouais, ben moi je veux bien le suivre si mes spasmes se sont calmés, si mes visions se sont évanouies. Tu as repris tu as repris un peu le contrôle de toi-même, même si tu as un grand dégoût en toi, aussi que tu as encore comme si tu craches un peu partout pour enlever ces verres. Je me suis avec la serviette. Et toi, Catherine ? Moi, déjà, je dis que c'est une mauvaise idée quand je les vois commencer à partir, mais j'ai vraiment pas envie de rester seul et surtout pas là, donc je les suis. Ok, donc Emilio, tu entends les chaises de tes camarades se reculer, enfin le bruit de chaises de tes camarades, et tu vois Peter, après Albert, et très légèrement après, Catherine se lever et partir dans une direction. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Moi, je suis en train de d'invectiver en fait les personnes qui nous parlaient mal en italien, bien évidemment. Ah, bien, oui. Je suis en train de leur répondre, tu vois, et là je les vois en train de se lever. Là, j'aurais dit je baragouine un truc en italien, tu sais, semi-insultant, semi-pédant, et envers eux, tu vois, je commence à leur parler en italien un peu énervé. Puis je me rends compte que j'ai oublié qu'ils parlaient pas italien, et du coup je fais « Où est-ce que vous allez là? Attendez-moi un peu !» Et je prends ma serviette qui était sur mes genoux et je la balance sur la table. Ok, donc vous commencez à partir dans la direction de la cuisine, là où vous avez vu cet homme partir. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous tombez nez à nez avec un cuisinier qui vous gueule dessus, genre « Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez rien à faire là? C'est ma cuisine, vous pouvez pas rentrer là, mais arrêtez là, sortez de là, vous êtes client, vous restez dehors. On vient jamais dans la cuisine comme ça, c'est pas à vous de venir. » Il y a pas quelqu'un qui est venu un instant? Alors, au début, en fait, quand vous rentrez, vous êtes tous les trois et vous entendez un cuisinier vous parler en italien avec un langage très nourri. Pour vous, ça vous parle pas trop. Jusqu'à ce que finalement, Emilio arrive et toi, Emilio, tu comprends tout de suite qu'il est en train de leur dire de dégager, qu'ils ont rien à faire là. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Mais pourquoi vous allez là ? Revenez là. Vous faites quoi ? Une personne étrange qui est à une des tables, est allé en cuisine dès que nos regards se sont croisés. Il savait qu'il avait clairement vu ce qui s'est passé avec Albert et moi. D'accord, mais mais tu lui dis, le gars, il fait... Oui, vas-y. Je regarde le chef et je lui dis, pardon, excusez-nous, mais il y a quelqu'un qui est rentré et c'est quelqu'un qu'on recherche. Il n'y a personne qui est venu dans ma cuisine. Il n'y a personne qui est venu dans ma cuisine, je suis tout seul depuis le début. Vos camarades, ils ont trop bu. Personne n'est rentré dans ma cuisine, sinon je l'aurais vu. Excusez-les. C'était le même visage qui nous regardait par la fenêtre de l'hôtel Vanoli. Ah, tu y trouverais, à bien y réfléchir... Il y a des similitudes. Du coup, je lui révèle ça. Je crois que c'était la même personne qu'on a vue à l'hôtel Vanoli. Moi, je les alpague un peu pour qu'on sorte. Je mets c'est un spectre. C'est quelque chose d'éthéré qui nous suit. C'est pas. Enfin, c'est. Si le cuisinier l'a pas vu, si la personne qui était à l'accueil de l'autre hôtel ne l'a pas vu, c'était forcément quelque chose qui n'était pas tangible. C'est quelque chose qui était béni dans les arts occultes. Le cuisinier vous demande de dégager, hein, littéralement. Ouais, mais moi, on est parti. Et très vite, vous êtes pris en charge par d'autres personnes, enfin du personnel qui vous demande de remonter dans vos chambres le temps que l'électricité soit remise. Et on vous donne à chacun d'entre vous une bougie et on vous demande de remonter dans vos chambres. Donc, vous êtes toujours plongé dans le noir. Avec vos petites bougies en bas de l'escalier qui va vous permettre de rejoindre vos chambres. Ok. Et du coup, on va s'accompagner mutuellement à nos chambres. Qui a qui a récupéré, qui est en possession du journal de Winkelmann? C'est moi qui l'avais, enfin c'est à moi qui l'a remis, donc je considère que je le prends tout le temps. Ok, d'accord. Vous commencez à remonter dans vos chambres, dans les escaliers? Ouais. Ok. Ouais. Pendant que vous êtes en train de monter les escaliers, Catherine, tu entends... Catherine. Je ne dis rien. Je n'entends rien. Tu peux entendre ça un bon petit moment. Je te le dis, bon, ça m'évite, je vais pas le répéter à chaque fois, mais... Ok. Vous continuez à avancer, vous arrivez à l'étage. Bizarrement, même si vous êtes en train de parler, je sais pas comment vous amenez les choses, enfin comment ça se passe le trajet, si vous parlez ou pas. En tout cas, vous savez qu'il y a une personne qui est sûre qui ne parle pas, c'est Catherine. Vous continuez à avancer, vous arrivez en haut de l'escalier. Et d'un coup, Catherine, tu te sens violemment poussée contre le mur. Et tu entends à ton oreille Dagmour. Dagmour. Tu ne vois personne autour de toi. Vous voyez Catherine, en gros, à côté de vous, elle est non, à côté de vous, et vous la voyez à un moment donné, comme si elle avait trébuché, peut-être un talon, ou que sais-je, et qui vient percuter le mur, alors probablement, voilà, il fait nuit, on voit rien, et elle a dû se prendre les pieds dans le tapis, quoi, et elle vient... taper son épaule contre le mur. Tout va bien, Catherine? Oui, tout va bien, oui. Vous êtes sûr, vous avez pas trop bu, ou c'est des événements qui vous ont perturbé? Ouais, ce sont les événements. Dites par pur hasard, personne me logerait dans sa chambre cette nuit. Je me sens pas de dormir seul. Ah, si personne on aurait dû prendre une suite tous ensemble. On devrait faire ça la prochaine fois. J'avoue que je suis pas rassuré le fait que quelqu'un est rentré dans ma chambre et ait déposé un papier sans que la serrure soit forcée me rassure aussi. Alors qui oui, dormir ensemble. Enfin, pas dans les chambres ensemble comme ça, c'est congru. Je dormirai sur une chaise, ça me dérange pas. Donc Peter, c'est toi qui va avoir la chance de dormir dans la même chambre que Catherine. Je dors dans la chambre de Catherine, je pense. Ok. Parce que en même temps, j'avais aussi dans ma tête où quelqu'un est rentré. Je leur explique que j'ai vérifié, ouais. La serrure n'a pas été forcée. Et je suis certain que j'avais fermé la clé. Donc quelqu'un est entré par la chambre par je ne sais quel moyen. Il a volé une clé ou quoi que ce soit. Donc je suis pas rassuré au fait de dormir aussi seul. Ok. Donc vous rejoignez chacun vos chambres, excepté Peter qui rejoint la chambre de Catherine où il passera la nuit avec elle. Je vais prendre des couvertures quand même pour dormir. Effectivement. Oui. Personnellement, je parlerai à Peter quand on sera en tête à tête. C'est la première personne à qui je parlerai de ce que j'ai entendu cette nuit, enfin cette nuit, en allant dans la chambre. D'accord. Je vous rassure. Vous allez du coup dans, dans vos chambres. Catherine et Peter rentrent dans la chambre de Catherine. Emilio, tu viens dans ta chambre. Albert, dans la tienne. Pour un peu, pour faire le suspense, hein, on va, je vais parler à chacun d'entre vous. Ça donne. Alors, je vais demander à. À Albert. Les autres, je vais vous demander de d'enlever vos casques, s'il vous plaît. Albert, tu rentres dans ta chambre avec ta bougie. Tu vois qu'il fait toujours aussi noir et que, bon bah voilà, c'est vrai que tu repenses un peu à ta scène à cette. Ces asticots qui étaient là, qui sont sortis de ta bouche, du poulet, cette table qui s'est mise à se lever. Ce siège qui, où tu t'enfonçais sans pouvoir vraiment faire quoi que ce soit. Il n'y a pas un mini-bar d'ailleurs ? Ah, je vais peut-être prendre un. Ouais, tu trouves ça. Effectivement, tu trouves une petite bouteille dans un coin, tu te sers un verre. Tu essaies de te calmer un petit peu et au bout de quelques minutes, tu vois que tu as plusieurs bougies hein, qui sont dans ta chambre. Toutes les bougies s'éteignent. Et même celle que tu avais à ta main. Oh. Qu'est-ce que tu fais ? Sachant que tu as de quoi les rallumer. Hein. Tu as des allumettes, un briquet, probablement. Du coup, je suis dans le noir complet ou tu est-ce es dans que le noir je sais complet. Pas la lune éclaire à travers. Ah ouais. Mais dans ce cas-là, je vais à tâtons essayer de rallumer la bougie que je tiens. Ok, bah tu finis à un moment donné à tomber sur un briquet que tu détenais, que tu avais posé sur ta table de chevet. Et tu essayes de rallumer la bougie et elle refuse de se rallumer. Tu vois que il y a une bougie qui était un peu plus loin dans la pièce qui se rallume toute seule. Une deuxième. Toute seule. Une troisième. Et finalement, la bougie que tu avais dans la main, dans ton porte-bougie, se rallume également. Je dis, est-ce que quelqu'un est là ? Pas de bruit. Je vais rappeler Gassard. Toi, tu peux l'enlever. Alors, ce sera Gassard seulement. Oui, c'est moi. Alors, tu es rentré dans ta chambre, t'es quand même un peu troublé par tout ce qui s'est passé juste avant. En même temps, t'es fatigué, ça fait quand même pas mal de jours maintenant que les choses... voilà, c'est très confus pour toi, ça part dans tous les sens. Tu sens vraiment que t'es atteint et que ces dernières choses qui se sont passées là t'ont un petit peu touché. Tu sens un petit peu vulnérable. Ce que je dois faire, c'est que je sors un verre, un whisky, tu vois, du minibar. Je me verse un verre de whisky, je m'allume une clope et je mets dans le siège à côté de la, au niveau de la chambre là, à la table, et avec la petite table là, et je me pose avant d'aller me coucher. Bah tu vois que. Les employés, la femme de chambre a pensé, vu que la lumière n'était plus présente, ils ont mis le... Ils ont allumé la cheminée. T'as le bois qui crépite dans la cheminée. T'es posé, peut-être assis sur une chaise, fixant le feu qui les flammes qui virevoltent comme ça dans le foyer de la cheminée. Et tu es pensif. Tu repenses à tout ce que vous avez fait depuis et les événements qui viennent de se passer. Et à un moment donné, le feu s'éteint. D'un coup. Tu vois qu'il y a de la fumée, un nuage de fumée et de cendres qui est projeté dans toute la pièce. Alors, j'allume rapidement la chandelle qu'on m'avait passée. Je l'ai éteinte parce qu'il y avait le feu. Je la rallume avec une allumette ou le briquet. Un briquet, ouais. C'est tout un briquet à cette époque-là. Donc ouais, je rallume avec le briquet pour voir ce qui se passe. Et je comprends pas trop. Tu sens que la température est en train de chuter dans la pièce, mais de façon assez importante. D'un coup, tu sens ta froid. Tu avec la lumière que tu viens juste de bougie que t'as allumé, tu vois que tu sais t'as ce petit dégagement de buée ouais. Comment on appelle ça, qui se dégage de ta bouche, tu vois la condensation, mais mélangée à cette poussière qui te recouvre le visage, tu sens que ça te perturbe. D'un coup tu entends un bruit et tu te retournes et tu vois que les édredons, les coussins de ton lit viennent de tomber. Et au moment où ils touchent le sol, ils explosent dans un nuage de plumes. Et au même moment, tous les meubles de la pièce se mettent à bouger. Je sors. Tu sors. Je fais ça. Je regarde s'il y a la fenêtre, je vois pas un visage sur le... C'est de voir voilà, s'il y a pas ça, hein. Si je remarque une présence supplémentaire. Tu regardes à la fenêtre juste avant de sortir et tu remarques que le froid, les plumes et la cendre ont formé sur les vitres de ta chambre, un visage d'un homme couronné de feuilles et de baies. Et là, on va passer à Catherine et à Peter. Mais là, tu peux... Catherine, Peter, vous êtes donc dans la chambre. Et Catherine, je te laisse donc du coup expliquer. Oui. J'avais une requête pour Peter. Oui, mais tu vois, genre, une fois qu'on est tous les deux dans la chambre et tout, après que je t'ai parlé d'un peu de ce que j'ai entendu ce soir-là, simplement, je me tourne vers toi. Peter, j'ai une requête un peu spéciale à vous demander. Transpire. Qu'en est-il ? Voyez-vous, j'aimerais que vous dormiez vraiment avec moi. N'y voyez aucun sous-entendu, juste la dernière fois que l'écorché est venu dans mes rêves, j'ai pas réussi à lui tenir tête et... J'ai un peu peur ce soir avec ce qui s'est passé. Une requête bien, bien étrange, avez-vous bien réfléchi ? Vous gardez le silence et il n'y aura que nous deux qui est au courant. On fait rien de... Rien de déplacé. Écoutez, c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension à dormir sur une chaise. Oui, je j'accepte volontiers de dormir dans un lit. Vu que j'ai passé aussi une très mauvaise journée à cause de la boisson. Et surtout à cause de ce qui s'est passé aussi au resto. Attendez, j'en vois. Au restaurant. Tiens, en fait, on va... Je vous mets en situation. Dans le sens où, Peter, toi, tu es dans la pièce où il y a la chambre. Et toi, Catherine, tu es dans la petite salle d'eau. Tu sais, la petite salle d'eau, ben, et en fait, tu es en train de te préparer pour la nuit. Donc, en gros, vous ne pouvez pas vous voir. Vous discutez à travers la porte, en fait, en gros. Et pendant que tu es en train d'expliquer tout ça à Peter, et que toi, Peter, tu réponds forcément, Catherine, tu remarques qu'à l'endroit où tu as percuté le mur au moment de l'impact, tu as ton épaule qui est douloureux et tu découvres une ecchymose, un bleu. Et que quand tu regardes bien de plus près, tu vois que ce bleu forme une image. Et que cette image ressemble à une tête, la tête d'un visage d'un homme couronné de feuilles et de baies. C'est troublant. Oui, j'avais beaucoup d'appréhension. Je sais que ça va faire beaucoup, mais... J'ai... Ou quoi ? Besoin que... Je sais pas si j'hallucine ou... venez voir, s'il vous plaît. Je fais en sorte, bien sûr, de rester quand même majoritairement habillé, juste pour montrer l'équipe. Dans la salle de bain ? C'est ça. Oui. C'est encore une requête. Bon. Je sais pas où ça va nous mener, Catherine, mais la salle de bain, et puis... je sais pas comment t'es... Nulle part, quand même... j'ai juste... Je suis... Bon. Non, mais je suis quand même... En peignoir. C'est caché. Mais du coup, je montre surtout l'épaule, en fait, pour montrer l'ecchymose, et je lui demande, en fait, simplement, est-ce que vous le voyez ? Quoi ? Que je vois quoi ? Et tu remarques, sur son épaule, la même chose que tu as vu sur la table, ouais, la tache de sang sur la table. Ah, vous avez... Et une marque très étrange, oui, je l'ai vue à la table où on s'est assis. Là, il y a pas 10 minutes. Ça m'a pas sauté aux yeux, mais c'est vrai que maintenant que je vois sur votre peau, c'est bien un visage d'un homme barbu avec des fleurs et des baies qu'il y a dessus. Oui. Oui, c'est plus blanche que la nappe. La peau est plus blanche que la nappe. Hein, Comment ça Bah, j'ai ça sur. C'est là où je. Génial. Au moment où. Ça vous dit quelque chose Au moment où. Dionysos. Où vous discutez de ça. D'un coup. Les ampoules commencent à essayer de s'allumer, mais comme si ça faisait un dans votre chambre. Et Peter, tu tournes la tête et tu vois que a priori dans le reste du quartier, la lumière est toujours éteinte. Et tu vois que les ampoules s'allument, s'éteint, et d'un coup, paf, toutes les ampoules explosent dans la chambre. Et vous voyez quelque chose de complètement cinglé qui arrive. Je me rue sur Catherine. C'est, enfin, c'est... je me auprès de Catherine. Vous voyez les murs qui commencent à se recouvrir d'une peinture, comme si une peinture coulait le long des murs. Vous sentez, toi tu sens, Catherine, que comme si on te tirait les cheveux, ta tête qui part un peu dans tous les sens. Tu essaies de te retirer, mais ça te tire les cheveux. Tu vois que les bougies s'allument, s'éteignent, s'allument, s'éteignent, s'allument, s'éteignent. Des flammes qui sont bleues, rouges, vertes, jaunes. Les meubles commencent à se soulever, à flotter dans les airs, se viennent se fracasser contre les murs. Vous êtes obligé un peu de vous pousser, de vous... Les fenêtres s'ouvrent, se ferment. Et la Bora qui est dehors vient rentrer dans la pièce et fou le gros bordel. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on reste pas dans la salle de bain ? Moi déjà je hurle plein de trucs sur Peter de mais aidez-moi, faites quelque chose, enfin genre je... Mais quoi ? J'enchaîne, ouais, c'est un peu la panique. Oui, les portes qui se claquent, ça fait. Il faut sortir d'ici, Catherine. Venez, venez. Gardez votre peignoir, on va aller dans ma chambre. J'essaye de la faire sortir par la porte, ouais. En esquivant les meubles, les coups de chaise, les bouts de verre, je ne sais pas quoi. D'accord. Ouais, vous sortez de la pièce. Au même moment, vous voyez Emilio qui sort de la pièce lui aussi en courant, complètement dans le même état que vous, et Albert qui ouvre la pièce, sa chambre également, et qui sort complètement dans un état... voilà, et vous vous retrouvez tous les quatre dans le couloir, complètement perdus, affolés. Chacun a un peu sa... Alors, et vous voyez que les portes que vous veniez d'ouvrir se ferment toutes seules et claquent bah tout en même temps. Alors moi je laisse échapper un petit rire nerveux en fait, tout simplement. Moi je suis en peignoir, je suis blanche. Et je... Moi, je te tiens la main. Je me cache. J'en ai marre. Vous allez tous les quatre me faire un jet de santé mentale. Ah là, oui. Oh. La prochaine fois, on prend une suite tous ensemble. Ça va. Ça va, c'est très tranquille chez moi. Le vent, hein. Bon. Alors, oh, bah, ça souffle, hein. Tu vois, je suis plus désorienté pour Catherine en peignoir que par la bourrasca qui a eu. Punaise, pardon. 33 pour ma part. Donc l'âge du Christ. Et comme j'ai le Christ sur mon corps, ou Dionysos, on ne sait pas. Et Albert. Un bonus. 55. Ok, donc Albert, Catherine, Peter, vous êtes clairement choqués. Ça, c'est dans un état de choc. Voilà, Peter, tu es recroquevillé sur Catherine, la protégeant de ton corps, parce que tu es toujours dans l'action de protection. Mais clairement, tu sais pas si c'est un geste dans de... que tu la protèges ou c'est elle qui te protège, genre un peu la maman, tu sais, qui l'enfant qui a peur et qui rejoint sa maman pour parce qu'il a fait un cauchemar. Catherine, tu te sens complètement perdue, et même si Peter est là à te protéger, t'es quand même vachement affolée. Albert, t'es complètement hébété, tu sais pas quoi penser de ce qui vient de se passer. Vous perdez tous les trois un point de santé mentale. Par contre, Emilio... Laisse le faire sur ma fiche. Hein. Oui, alors, t'en as perdu combien, toi, depuis, là ? Parce que j'ai pas noté la dernière fois. J'ai pas noté tout à l'heure, je suis désolé. T'en avais perdu... Là, j'en ai perdu un. Un et, deux, et un deuxième j'avais dans la salle d'allonger. J'ai dû en perdre pas mal. Ok, ouais, du coup j'ai perdu deux points de santé mentale depuis le début de la session. Ouais. Voilà. Emilio, toi, clairement, C'est pas passé. Tu sors de la pièce. Et tu sais pas si c'est inconscient ou pas. Mais pour une raison que tu ne comprends pas, tu ne vois plus rien. Là. Tu vois non, plus je... rien. Je suis sous l'état de choc, tu vois. Alors, mon premier réflexe, c'était le petit rire, là. Mais quand je me rends compte que je vois plus rien, que c'est pas juste qu'il fait sombre et que je vois pas, je plaque ma main un peu contre le mur et je descends petit à petit qu'à ce que je sois assis contre le mur, limite recroquevillé, et je reste un peu passif, et en laissant s'échapper quelques petits rires, parfois, des petits rires très simples, très simples, mais presque comme si Emilio était absent presque de son corps. Quelques minutes se passent, et pour vous, tous les trois, Catherine, Albert, Peter, vous commencez un peu à reprendre le dessus. Et vous remarquez que votre camarade Emilio est assis par terre et qui fixe un point sans fixer vraiment. Qu'est-ce que vous faites ? J'essaie de... J'essaie de le relever. Moi, je reste avec Peter. Tu vois que au moment où tu essaies de le relever, il a, au moment où tu le touches pour l'aider, en fait, tu vois qu'il a un mouvement de. Emilio, c'est moi. Surprise, c'est Albert. Non, mais. Je vois rien. Rien. Je bouge ma main devant ses yeux. Je bouge la bougie allumée. Je regarde ses yeux. Tu vois que ses yeux sont vides. Enfin, pas vides. Il y a des yeux, bien sûr, mais comme si ça c'était devenu presque un peu transparent. Oh là là là là. Bon, ça va revenir, ça va revenir. La cécité. On va aller boire un peu. Ça revient jamais, ça. Ça revient jamais. C'est quoi ? Qu'est-ce qui m'a rendu comme ça ? Et c'est à ce moment que la lumière revient dans l'hôtel. Et qu'on s'arrêtera là pour ce soir. Ah, moi aussi, j'y vois plus rien. Ça a explosé. Oh, mais pas générique de fin.